Donc, bon matin à vous tous. Vraiment, encore une fois, un plaisir d'être ici pour pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et puis, ce matin, j'ai amené de la visite avec moi, donc mes parents qui sont présents. Puis j'ai vu plusieurs là, leur offrir un accueil plutôt chaleureux. C'est agréable. Donc, Claude et René. Mes parents sont en arrière, si jamais à la fin, ça vous tente d'aller les saluer. Ça va leur faire plaisir, ils sont très jasants, vous allez vous en rendre compte, et c'est toujours le fun de parler avec eux. C'est bon de louer le Seigneur ce matin. Je ne sais pas, est-ce que ça a commencé dimanche passé ou l'autre d'avant? Ça ne doit pas faire très longtemps là, que vous avez quelqu'un en avant qui prend le temps d'amener des chants comme ça, avec les restrictions sanitaires, ce n'était pas toujours évident. Ça a vraiment rapport avec le message de ce matin, parce que ce matin, on va parler de la joie. Puis évidemment, on n'a pas besoin nécessairement de louer le Seigneur avec des chants. On doit louer le Seigneur, mais pas nécessairement avec des chants. On peut lire un psaume, on peut passer du temps de communion avec nos frères et nos sœurs. On peut juste, dans notre cœur, être joyeux en Jésus-Christ. Mais clairement, ce matin, ça fait du bien de pouvoir juste exalter le Seigneur, voir les chants, et réfléchir à ce qu'on est en train de louer, à ce qu'on est en train de chanter. Et donc, on va parler de la joie ce matin. C'est le fun, j'entends des petits bruits joyeux. Moi, j'ai trois filles. Hein, la plus jeune ne fait plus ces cris-là déjà, là, mais c'est tellement bon d'entendre ça, ces petits sons-là. Et donc, j'ai une question pour vous ce matin. On va parler de la joie aujourd'hui, OK? Une joie qu'aucune parole ne pourrait exprimer. Et ma question pour vous ce matin, c'est pensez à quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous étiez juste sans mots tellement que c'était une joie, un bonheur. Puis là, je ne veux pas tous entendre « Ah oui, quand j'ai reçu le Seigneur, c'était comme ça ». Tant mieux, ce n'est pas tout le monde hein, que c'était comme ça, mais tant mieux si c'est ça, parce qu'on s'en va vers ça, vous avez compris ce matin. Mais là, restons au niveau, là, cette semaine, là, ou dans la dernière année, qu'est-ce qui est arrivé, là? Vous avez vécu une joie tellement profonde qu'il n'y avait juste pas de mots. Moi, je vous amène sur un je l'ai avisé en passant, c'est ma deuxième fille, celle-là. Elle a vécu quelque chose qui est tombée sans mots, une joie indescriptible. Au niveau terrestre, on s'entend, mais quand même. Élodie, elle aime beaucoup les animaux. Puis malheureusement, pour elle, elle est tombée dans une famille que les chats, les chiens, on n'est pas trop fort là-dessus. T'sais. Mais en même temps, on le voit bien, là, elle trippe au bout de ses animaux. Elle, là, notre prochaine sortie ensemble, elle veut qu'on aille à la SPA pour promener des chiens. T'sais, c'est ça qu'elle aime. Et à un moment donné, il y a une occasion qui s'est présentée, quelqu'un se débarrassait de son hamster. Il donnait, avec tout ce qui venait avec. Puis là, on en a parlé, ma femme et moi, et on a fait, peut-être que ce serait le bon timing, on va vérifier. Peut-être qu'Élodie, elle ne l'a juste pas avec les animaux, fait qu'on va faire un test, au pire, c'est un hamster, tu sais, c'est pas si grave. Finalement, elle est vraiment très bonne, mais on lui a donné pour sa fête l'année passée. Et pour rendre le tout encore plus agréable, on l'a caché. Donc, dans le sous-sol, dans la chambre de bain du sous-sol, dans sa cage, tout. Puis là, on a dit, cherche ton cadeau. Évidemment, elle ne s'attendait pas à un animal. Et quand elle a trouvé le hamster, je vous le dis là, c'est exactement ça que je veux vous amener aujourd'hui. Cette espèce de joie qui a juste pas de mots. Elle voit le hamster et elle fait plus de mots vraiment. Elle se met à pleurer de joie, évidemment. Et là, elle nous dit, c'est-tu un vrai? Il bougeait dans la cage, là, fait que c'était un vrai, c'est sûr. Mais tellement joyeuse de l'avoir. Écoute, même les parents, on est tombés les yeux pleins d'eau. On a fait, OK, je pense qu'on vient de toucher une corde sensible, là, vraiment, mais c'était positif. Et encore aujourd'hui, ça va faire un an qu'on l'a, ce beau petit hamster-là, qui s'appelle Caramel, d'ailleurs. Pas trop compliqué comme nom, à la couleur qu'il y a. Et puis, on voit qu'elle s'en occupe bien. Tu sais, c'était pas juste une joie qui a duré l'espace d'une minute. Encore aujourd'hui, elle a la joie de s'en occuper. C'est elle, à tous les samedis, qui change sa cage. On n'a même pas besoin d'y demander. Donc, elle veut en prendre soin en plus. J'arrête ça là parce que, tu sais, moi, je peux vous parler de ça bien long, mais vous allez retourner chez vous, vous allez faire, Hey, j'ai appris sur son hamster, c'était vraiment intéressant. T'sais. Mais ça va pas mal s'arrêter là. Fait, non, je ne veux pas qu'on arrête là. On va aller plus en profondeur dans le sujet de la joie. Et puis ce matin, on va aller ensemble dans la lettre que Pierre a écrite, donc la première lettre que Pierre a écrite à des gens qui vivaient de la persécution. Curieux qu'on parle de la joie, mais que les gens étaient persécutés lorsqu'ils ont reçu cette lettre-là. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans la première lettre de Pierre. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, hein, parce qu'on ne va pas nécessairement toujours dans ce coin-là de la Bible, c'est après Jacques. Donc, on s'en va vers la fin. On a Hébreux, Jacques, et on arrive dans les lettres de Pierre, les deux lettres de Pierre. Tout d'abord, qui est Pierre? C'est assez important, on lit la lettre de Pierre. Il faut savoir un peu c'est qui. Je pense que tout le monde a une idée de qui est Pierre, mais j'ai appris des affaires bien intéressantes cette semaine en poussant mes recherches un petit peu plus. Alors, Pierre, c'est un nom qui lui a été donné plusieurs années après sa naissance. Son nom de base, c'est Simon en grec et Siméon en hébreu. Puis on sait que dans ce temps-là, hein, il y avait le grec, il y avait l'hébreu, il y avait l'araméen, donc les gens avaient des noms différents. Moi, c'est pas pire. Patrick en anglais, c'est Patrick, ça sonne assez bien, c'est facile. Mais je serais surpris en hébreu ou en chinois, en mandarin, mon nom peut-être qui est très, très différent. Alors, Simon, Siméon, c'est notre Pierre aujourd'hui. Il arrive d'une famille de pêcheurs, avec le E à accent, le petit chapeau, là, accent circonflexe. Certainement d'une famille de pêcheurs aussi. Mais les gens de sa famille pêchaient, faisaient de la pêche. Ça, c'est une chose vraiment intéressante qu'on voit dans Jean 1, mais c'est son frère André qui l'a conduit au Seigneur. Intéressant, dans la famille. Et on vit une situation semblable, nous, à l'église à Shawinigan-Sud. Un homme qui est à l'église a parlé du Seigneur à sa sœur, qui a été sauvée. Les deux ont parlé du Seigneur à leur mère, qui est en train de se demander, « Non, mais je veux suivre Jésus, là, qu'est-ce que je dois faire? » On est là présentement. C'est beau de voir ça dans la famille, ça se parle. Donc, cette joie-là qu'André avait, il a partagé à son frère Pierre, et on a le Pierre qui nous écrit la lettre d'aujourd'hui. Il devient l'apôtre de Jésus, et pas n'importe lequel, c'est celui dont on entend le plus parler dans les quatre évangiles. C'est celui qui va être vraiment en évidence dans ce qu'on lit. Et c'est quelqu'un, vous avez remarqué en lisant les évangiles, hein, c'est pas quelqu'un de neutre, c'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un certainement très expressif, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et c'est à ce moment-là que Jésus, lorsqu'il devient apôtre, ce Pierre-là, il ne s'appelait pas Pierre à ce moment-là, mais Jésus le nomme Pierre en grec et Céphas en araméen. Donc, quand vous tournez la Bible puis vous voyez, j'ai parlé avec Céphas, c'est Pierre. C'est le fun, ça, de savoir que c'est la même personne. Et bien, Céphas, ça voulait dire caillou ou rocher, d'où le nom Pierre en grec. Il est marié. Un des rares apôtres qu'on voit cette situation-là dans la Bible, et on voit que sa femme l'accompagne dans son ministère. Et on voit ça dans Marc, on voit ça dans 1 Corinthiens, soit qu'ils font le ministère à même leur maison, ou soit qu'ils se promènent ensemble. Et ça, moi, ça me touche beaucoup parce que, par exemple, quand je viens prêcher ici à l'église, ou quand je vais dans une autre église pour apporter le message, j'aime ça quand ma famille me suit. J'aime ça quand on reçoit des gens à la maison, que je ne sois pas tout seul avec eux. J'aime ça quand ma femme est là, ça amène quelque chose de différent. Les enfants aussi qui voient comment qu'on veut vivre pour le Seigneur. Donc, je vois que Pierre le faisait avec sa femme. Après la résurrection et l'ascension de Christ, Pierre va prendre du galon au niveau des apôtres. Il est celui qui va donner le désir à tous de remplacer Judas. Donc, Judas, pour toutes sortes de raisons qu'on ne parlera pas ici, il a quitté, il est mort. Et là, dans les apôtres, il en manquait un. Pierre va prendre en charge l'idée de le remplacer. On arrive dans Acte 2, vous vous rappelez la Pentecôte, les gens se mettent à parler de différentes langues et certains disent « Ah oh, mon doux, ils sont donc bien sous eux autres, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? » Puis Pierre leur dit « Là, vous êtes complètement en erreur, là. Ils ne sont pas sous ces gens-là, là. Ils viennent de recevoir le Saint-Esprit. » Et il arrive avec une prédication de l'Évangile, il prêche le Seigneur Jésus. Il dit aux gens, celui que vous avez crucifié, là, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a payé pour nos péchés. fallait pas avoir sa langue dans sa poche. Il fallait être vraiment sûr de nos croyances pour en arriver à ça devant des Juifs. Et coup de théâtre, qu'est-ce qui arrive dans Acte 2? Les gens, après ce message-là tellement impactant, s'en vont voir Pierre et disent, « Qu'est-ce qu'on doit faire, là, rendu là? » Et là, Pierre leur dit, « Repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés et soyez baptisés. » Donc, c'est vraiment merveilleux de voir ce Pierre-là qui n'a pas peur d'annoncer l'Évangile. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Malheureusement, Pierre et sa femme ont vécu la persécution. Et ça, c'est selon la tradition. Hein, je suis allé fouiller un peu en dehors de la Bible. Selon la tradition, il a été obligé d'assister à la crucifixion de sa femme. Et pour encourager sa femme au moment qu'elle se faisait crucifier à la croix, il lui disait sans cesse, « Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. » Il l'encourageait. C'était bien vu, la persécution, dans le sens que si c'était pour Christ, ça valait la peine. On ne vit pas ça, nous, au Québec, ici, actuellement, là, ce genre de persécution-là. Et quand ce fut le tour de Pierre, Pierre a dit à ceux qui géraient cette partie-là, il dit, « Je suis indigne d'être crucifié de la même manière que mon Seigneur. Pouvez-vous mettre la tête en bas? » Et ils ont accepté. Donc, il aurait été, selon la tradition, crucifié la tête en bas. Écoutez, c'est lui, Pierre. J'aurais pu aller plus loin. C'est celui qui a renié le Seigneur trois fois. À trois occasions, des gens lui ont dit, « Toi, tu connais Jésus. » Pendant que Jésus s'enlignait pour se faire crucifier. Et ce Pierre, qui était si courageux, bien, à ce moment-là, il a dit, « Non, non, non, je ne le connais pas du tout. Vous vous trompez. J'ai des sosies, j'ai une face de coin de rue. Hein? Vous me prenez pour quelqu'un d'autre. » Mais pendant trois fois, il a fait ça. Et pourtant, le Seigneur Jésus s'est servi de lui malgré ses faiblesses. Moi, ça m'encourage énormément d'entendre ça. Regardons le contexte de la première lettre de Pierre. Alors, le thème de la lettre, c'est l'espérance en temps de souffrance. Il faut savoir que la lettre a été écrite dans les années 64-65, pas 1964-1965, 64-65, un peu après la destruction de Rome. Sachez que Rome a passé au feu, puis on ne parle pas d'un feu de cheminée, là. C'était la ville qui était rasée à cause d'un incendie. Les gens dans l'Empire romain, on dit que c'est fort probablement l'empereur Néron qui a fait ça, parce que cet homme-là avait une soif insatiable de construire. Et donc, des fois, pour construire, il faut détruire ce qui est laid pour construire quelque chose de plus beau. Les gens ont dit, c'est sûr, c'est Néron qui a fait ça. Néron, il a fait, oh ben, on m'accuse. Fait que Néron, il a dit, c'est pas vrai qu'on va m'accuser comme ça. On va changer ça, puis on va mettre ça sur la faute des chrétiens. Et donc, il a parti la rumeur que c'était de la faute des chrétiens si Rome était en train de se faire détruire. Il faut savoir que les chrétiens n'étaient déjà pas très aimés à ce moment-là, parce qu'ils étaient associés aux Juifs. Et les Juifs en avaient contre la culture romaine. Ils trouvaient que la manière de fonctionner n'était pas ce que Dieu nous demandait. Les chrétiens, pour la plupart, c'était le prolongement des Juifs. Et donc, on dit, c'est la faute des chrétiens. Et s'en est suivi une persécution monstre. La rumeur, c'est propagé dans l'Empire romain, et on a la lettre de Pierre qui arrive à ce moment-là. On a des chrétiens qui ont peur, on a des chrétiens qui sont fiers d'appartenir au Seigneur Jésus, qui savent qu'il y a une joie meilleure qui les attend que les persécutions actuelles, mais quand même, si on vivait, nous, la persécution aujourd'hui, certainement que plusieurs d'entre nous vivraient de l'anxiété à l'intérieur. Et Pierre écrit sa lettre-là justement pour offrir de l'espérance en temps de souffrance. Le but de la lettre, bien, c'est de tenir ferme devant l'épreuve et la persécution. Donc, à l'époque, c'est surtout la persécution, mais on peut rentrer là-dedans la souffrance, toutes sortes d'épreuves. Et c'est de développer une bonne conduite dans un monde hostile. Alors, c'est envoyé à des chrétiens qui vivent dans l'Empire romain. Ils ne sont pas aimés, là. Donc, c'est clair qu'il faut quand même, en tant que croyant, suivre le Seigneur Jésus, donc développer une bonne conduite dans un monde hostile. Le plan pour ce matin, après ça, on va aller en prière. Vous allez voir la manière que je vais fonctionner. Premièrement, là, je veux vous dire, la dernière fois que j'étais venu ici, je vous avais dit que le message, c'était comme de la viande. Vous vous rappelez de ça? C'était un gros steak. Puis, il y en a qui sont venus me voir après et ont dit, « Hey, merci, c'était très intense, mais on avait besoin de ça. » Il y a des moments dans la vie qu'on a besoin du lait maternel, puis il y a d'autres moments dans la vie qu'on a besoin d'un gros steak. Aujourd'hui, je vous dirais que le message, c'est riche. Pensez à une bonne crème 35%, là. C'est bon, hein? Mais tu sais, c'est riche. Un gâteau au fromage, c'est très bon, mais 12 dans la même journée, c'est pas la solution nécessairement. Il faut prendre le temps de digérer avant d'aller trop vite. Ce matin, c'est riche. Je vais vous demander une chose, de retenir une seule chose du message. C'est la seule chose que je demande aujourd'hui. Si vous sortez d'ici en disant, j'ai appris que le hamster était beau, puis qu'il était fiable, puis qu'il était le fun, c'est pas cette chose-là que je veux qu'on retienne. Mais si vous avez appris quelque chose sur la joie d'appartenir au Seigneur Jésus, amen. Vous êtes dans la bonne direction. Alors, on va voir dans les versets 1 et 2, les salutations de Pierre. On commence la lettre. On voit comment il salue les gens, à qui il s'adresse. Les versets 3 et 5, on voit la joie dans la future récompense céleste. Donc, il y a moyen d'avoir une joie terrestre, mais ce n'est pas assez. Il faut aller au-delà du niveau terrestre. Dans les versets 6 et 7, on voit la joie malgré les souffrances. C'est un peuple qui est persécuté. Il faut être joyeux quand même là-dedans. Comment Pierre s'y prend pour annoncer ça? Les versets 8 et 9, on voit la joie inexprimable de la connaissance de Christ. Appartenir au Seigneur Jésus, c'est une joie qu'on peut difficilement expliquer ou exprimer. Il n'y a pas de mots pour décrire cette joie-là. C'est comme trop profond, mais ce n'est pas non plus la manière. Tu sais, je n'ai pas toujours le sourire en dansant là, dans la rue parce que je suis chrétien. C'est comme une autre sorte de joie, une joie profonde, permanente. Et finalement, les versets 10 et 12, qui selon moi, les probablement les plus compliqués du message de ce matin, on voit que les prophètes et les anges sont émerveillés par ton salut. Donc oui, on va parler un peu des prophètes, c'était qui eux autres à l'époque. Puis on va terminer ça avec des applications pour cette semaine. Donc d'après moi, là, vers 2-3 heures cet après-midi, on a fini, c'est bon? On va commencer par prier. Puis après ça, on va lire les deux premiers versets de la lettre de Pierre. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. En arrivant ici, moi, je savais pas du tout qu'il y aurait de la louange, puis ça fait du bien juste de te louer d'une manière musicale, de s'arrêter un instant, de penser à nos paroles. Merci pour ce privilège qu'on a d'être rassemblés ici, dans ton Église, à être ta famille, Seigneur, et de regarder à toi. Ce matin, on va apprendre sur la joie de t'appartenir. Ça peut être complexe. Ça peut être complexe. On vit différentes épreuves. On vit différentes choses qui font que notre joie n'est pas toujours allumée là, au plus fort. Et on te demande, Seigneur, par ton esprit qui habite en nous, de nous révéler cette joie, de nous la remontrer et aide-nous, Seigneur, à la pratiquer dans la vie de tous les jours. Merci pour ce temps. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont ici. Bénis les gens pour qui c'est peut-être la première fois qu'ils entendent le message de ton évangile et que ton nom soit glorifié dans nos vies en sortant d'ici, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble les deux premiers versets de la lettre de Pierre, de la première épître de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Avec un point d'exclamation, hein? Que ça vous soit multiplié. Puis là, vous lisez ça, hein, ce début de lettre-là, puis vous dites, aïe, aïe, quand j'écris un courriel à quelqu'un, ça ne ressemble pas à ça. Hein, c'est plus « allô », ça commence tranquillement comme ça. Il faut savoir que Pierre ne connaît pas nécessairement tous ceux à qui il écrit. Et donc, il veut commencer par les destinataires, et il y a beaucoup de destinataires. Mais on sait que Pierre est investi d'une mission. Il est appelé à proclamer le seul message capable de transformer les vies. Il le sait, il l'a déjà fait dans le livre des Actes. Il a été le témoin des œuvres, des miracles de Jésus. Et donc, ce Pierre-là, il arrive et il dit, « Là, je vais vous parler de quelque chose de précieux. » Et c'est la joie d'appartenir à Jésus malgré nos souffrances. Je vous ai mis une map du monde parce que pour bien comprendre à qui cette lettre-là est envoyée, Eh bien, il faut savoir à peu près où c'est allé dans le monde. Donc, l'Empire romain, il faut savoir, c'était énorme à l'époque. La lettre que Pierre écrit, elle est partie vers le pont, la Galatie, la Cappadoce. Alors, si vous remarquez la petite botte à gauche, on voit l'Italie avec Rome, le siège social de l'Empire romain, si on veut. Mais nous, on s'en va à peu près à droite ou au centre, on a la mer Noire. Vous voyez la mer Noire au centre? Elle est bleue ici, mais elle s'appelle mer Noire. Et juste au sud, on a l'actuelle Turquie. Et c'est toute la frontière de la mer Noire à cet endroit-là, au sud. C'est à cet endroit-là que la lettre est propagée. Donc, aux églises, aux chrétiens qui ont été dispersés à cet endroit-là. Et c'est intéressant parce que dans le verset 1, il dit « aux étrangers et à ceux qui sont dispersés ». Puis moi, quand je lis « les étrangers », je me dis « ah, il écrit comme à tout le monde ». Mais non, les étrangers ici, c'est la même chose ou très sensiblement la même chose que ce qu'on voit dans Hébreux 11. Je vous le lis juste pour que vous le voyez. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Et donc, Pierre écrit à des chrétiens, peut-être d'origine juive, mais peut-être d'origine païenne, et il leur dit, « Vous êtes des étrangers, n'oubliez pas ça. On n'a pas notre résidence permanente sur terre. Elle est au ciel, notre résidence permanente, notre patrie. » Il commence fort là, en disant, « À vous, les étrangers, on est sur terre pour annoncer l'Évangile. On va vivre des persécutions. Mais le ciel qui nous attend, c'est merveilleux. C'est l'endroit qu'il faut être. » Rappelons-nous ça. On voit également dans le verset 2, peut-être que ce matin, tu te dis, comment qu'on fait pour devenir un enfant de Dieu? Ça peut être complexe à première vue, si c'est la première fois que tu mets les pieds dans l'église. Peut-être même que ça fait 20 fois que tu mets les pieds dans l'église. Comment on fait pour être un enfant de Dieu? Eh bien, dans le verset 2, on voit quatre phases. Ce n'est pas toujours comme ça, là, clair, clair, comme ça, mais quand même, ça donne une bonne idée. Premièrement, on doit être élu. C'est Dieu qui élit ses gens, qui élit ses enfants. Ensuite, on doit vivre une sanctification. Et encore une fois, c'est intéressant, il y a deux types de sanctification. Celle qu'on parle ici, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Donc, avant vraiment de vivre une conversion et d'appartenir à Jésus, on doit avoir à l'intérieur de nous ce sentiment qu'on est complètement à l'écart de ce que Dieu veut pour nous. On est imparfait. Et Dieu est parfait. La distance entre les deux est tellement énorme que c'est impossible juste de sauter pour aller l'autre côté, vers Dieu. On sait que l'endroit le plus merveilleux pour vivre, c'est le paradis avec Dieu. On veut tous y aller, mais on n'est pas capable de sauter par-dessus le rocher. J'ai un exemple, une image moi qui m'a marqué au début de ma foi chrétienne. Et c'est un peu ça, hein? On a l'humain à gauche qui est du côté de l'humanité. Et le problème de l'humanité, c'est le péché. Il aimerait ça aller vers la vie éternelle avec Dieu parce que Dieu nous promet qu'il n'y en aura plus de souffrance. Il n'y en aura plus d'épreuves, plus de stress. Il n'y en aura pas d'anxiété, de dépression, de conflit. Imaginez ce que vous voulez, là. Tout ce qui vous fait un chagrin à l'intérieur de vous, là, c'est fini avec Dieu. On veut aller là. Mais on n'est pas capable de sauter par nous-mêmes, on n'est pas capable d'y aller par nous-mêmes. Et Dieu a prévu un seul chemin, et c'est par Jésus-Christ. Son Fils Jésus qui a payé pour nous à la croix. Son Fils Jésus qui nous dit, « Tu veux aller à Dieu? Suis-moi. » Alors, quand j'entends des gens qui disent, « Bien, moi, je crois en Dieu. » Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Ouf, là, ce petit bout-là, là, attends un peu. Là, parce que c'est vrai que c'est... Ça peut être facile de dire qu'il y a un créateur. Je pense qu'il y en a beaucoup au Québec qui croient qu'il y a un créateur. Mais lorsqu'on leur parle qu'il a envoyé son fils Jésus mourir à ma place pour mes péchés, oh là, ça devient un peu plus... Ça demande un engagement. Ça demande un sacrifice. Ça veut dire qu'il faut laisser notre vie à quelqu'un d'autre et on laisse diriger, sachant que ça va être mieux. Mais avant d'arriver à penser que ça va être mieux, des fois, on a beaucoup de réflexions. Bref, Jésus a payé pour nous. Et... Je vais juste revenir ici. Il faut savoir aussi c'est quoi le salut. Peut-être que quelqu'un vous a déjà dit, « Hey, As-tu le salut en dedans de toi? Moi, la première fois que je me suis fait dire ça, j'ai rien compris. C'est quoi ça, le salut? Eh bien, le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Retenez juste ça, là, vous avez déjà un bon bout. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort pour garder ou même avoir un état heureux et prospère pour toujours. Donc, réfléchissez de cette façon-là. Ça nous amène bien, justement aux quatre phases de la nouvelle naissance. Si je veux être un enfant de Dieu, je dois être élu par Dieu. Je dois être sanctifié par le Saint-Esprit, donc il m'amène à croire que je dois être repentant. J'ai péché, je dois demander pardon pour mes péchés. Ça m'amène tout ça à la conversion. Donc la conversion, c'est vivre dans une espèce de système puis se rendre compte que ce n'était pas le meilleur. Switcher de système puis aller dans le meilleur. C'est ça, la conversion. Et finalement, bien, tout ça nous amène certainement à des bénédictions terrestres. Peut-être que c'est facile pour nous, les Québécois, de trouver des bénédictions terrestres, mais si je vais en Syrie, pour un chrétien, ça va être extrêmement difficile d'en trouver. Il va être capable quand même. Mais ce qu'on doit se rappeler, c'est que les vraies bénédictions sont célestes. Notre place nous est réservée au ciel, à côté de Dieu, avec Dieu pour toujours. Moi, ça, toute la semaine, j'ai dit... Juste ça, ça devrait être ça, la joie, là. Pas s'en faire pour la vie. J'ai pas peur pour si ma paye va rentrer jeudi. J'ai pas peur pour comment que mes enfants vont vivre. Je fais confiance à Dieu. Et que ça nous libère d'un fardeau, ça fait du bien. Regardons maintenant les versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il y a du stock là-dedans, juste ça, là. C'est quelque chose, j'essaie de vous sortir vraiment là, des petits éléments qu'on va regarder ensemble. Les versets ici nous parlent, entre autres, de notre nouvelle identité. Avant de connaître le Seigneur Jésus, mon identité, ou si on prend les gens du premier siècle à qui c'était écrit cette lettre-là, leur identité était dans le peuple dans lequel ils vivaient. Je suis le peuple de Dieu, je suis juif, et donc, c'est ça que je dois être, c'est mon identité. Tu n'es pas juif? Ah, ton identité, c'est d'être un non-juif ou un grec ou peu importe quoi d'autre. Nous, aujourd'hui, c'était quoi notre identité avant de connaître le Seigneur Jésus? Souvent, on l'apprend dans notre travail. Hein, combien de fois on parle à des gens et on dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ah, moi, je suis répartiteur. » Ou « je suis physiothérapeute. » Puis, sérieux, il n'y a rien de mal à ça. Mais d'aller chercher notre identité là-dedans, il faut juste se rappeler qu'un jour, on va être à la retraite, donc ça ne tiendra plus. Parfois, on va aller chercher notre identité dans notre famille. Moi, je viens des Auger. C'est facile, mes parents sont là. Je viens des Auger. Ça a des bonnes valeurs, puis c'est bon, ça. Mais quelqu'un d'autre, puis je nommerai pas le nom de famille, mais j'ai un ami à Mont-Carmel, Shawinigan, qui, lui, est peut-être un peu moins fier de dire son nom de famille, parce que c'est associé au criminel de la place. Mais lui, il n'en est pas un, sauf que... Quand on entend son nom de famille, on fait « T'es-tu parent avec un tel? » Ouais, c'est un peu ça. C'est une identité qu'on doit vraiment mettre de côté. Nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors pour toi ce matin, peut-être qu'il vit toutes sortes de luttes. Peut-être que vous avez un problème avec l'anxiété. Peut-être que vous avez été victime d'un acte quelconque. Je vous en supplie, n'allez pas chercher votre identité là-dedans. Ne vous voyez pas comme une victime éternelle. Oui, vous avez été victime de quelque chose, ça se peut, mais vous n'êtes pas une victime éternelle. Ne vous voyez pas dans votre problème. Ah, moi, je suis vraiment anxieux. On le dit de même, mais pensez-le pas à l'intérieur de vous. Dites plutôt, je suis un enfant de Dieu qui lutte avec l'anxiété. Ça serait plus actuel pour nous, les chrétiens. On a également une nouvelle espérance. C'était quoi mon espérance avant de connaître le Seigneur Jésus? La tombe. l'incinération. Quoi d'autre que ça quand on ne connaît pas le Seigneur? C'est ça mon espérance. Donc, ce n'est pas très intéressant. Notre nouvelle espérance, c'est le fait qu'on a un héritage qui nous attend au ciel. Ça, c'est de l'espérance. Et c'est ça qui devrait me donner le sourire quand je vis des moments difficiles. Et si je comprends bien ma nouvelle identité et ma nouvelle espérance, bien, je vais mieux comprendre la nouvelle famille dans laquelle je fais partie. Donc oui, nous avons tous notre famille biologique. Il y en a qui ont eu des bonnes familles, il y en a qui ont eu des moins bonnes familles, mais nous avons toutes une famille en Dieu le Père. Notre papa, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. On est réunis ici, pas nécessairement parce qu'on a des affinités communes. Je suis convaincu qu'on commencerait à parler ensemble, puis on est extrêmement différents. D'ailleurs, quand Pierre écrit sa lettre, il écrit à des Juifs, des Grecs, des gens qui arrivent de partout, qui sont réunis ensemble dans une église. Imaginez au premier siècle le clash. Les gens regardaient ces églises-là et faisaient « Non, mais ça ne marche pas pantoute, des Juifs et des Grecs dans le même temple ou dans la même église. » Pour eux, là, ça faisait un non-sens total. Mais pour Jésus, c'est ça qui fait du sens. De réunir des gens de milieux différents, de richesses différentes, de cultures différentes, les réunir ensemble parce que notre but, ce n'est pas nécessairement de devenir des amis, c'est de glorifier Dieu. Puis ça, c'est ça qui est beau dans une église. Et c'est ce qu'on doit se rappeler ici à l'église de Victoriaville et à mon église à Shawinigan-Sud et toutes les églises. On a également, ça c'est intéressant, l'héritage qui nous est offert en tant qu'enfants de Dieu. On a un verset qui nous dit qu'elle ne peut pas se corrompre. L'héritage ne peut pas se corrompre. Pensez peut-être, certains d'entre vous, vous avez reçu un héritage de vos parents qui sont décédés ou de quelqu'un d'autre qui a pensé à vous. Mais pensez maintenant à l'héritage que Dieu nous offre. Et voyez la différence. Hein, souvent, un héritage, c'est de l'argent pour nous. Puis, on ne crachera pas là-dessus, évidemment. Mais, nous, l'héritage qu'on a au ciel, elle ne peut pas se corrompre. Donc, jamais rouiller, jamais failler, donc si on parle d'un objet, et jamais se détériorer. On a également un héritage qui ne peut pas se souiller. Donc, il n'y aura aucune tâche, rien ne peut atténuer sa beauté. Pas même si je combats avec toutes sortes de choses, je ne peux pas me dire, oh, le Seigneur va sûrement moins me bénir. Non, non, non. Ton héritage est scellé au ciel. Le Seigneur veut te bénir. Et notre héritage ne peut pas se flétrir. Donc, le temps qui passe n'altère pas sa valeur, sa gloire et sa beauté. Et nous, quand on parle d'un héritage terrestre, bien, 10 000 $ aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'argent. 10 000 $ dans les années 1930, c'était énormément d'argent. Mais 10 000 $ dans les années 2200, ça ne sera sûrement pas beaucoup. Mais nous, notre héritage a la même valeur, peu importe si je meurs tantôt ou si je meurs dans 50 ans. Ça, c'est merveilleux. Puis justement, le verset 5, hein, comparativement à un héritage terrestre, aucune lacune n'existe dans le titre de propriété détenu par le croyant. Il est réservé pour l'enfant de Dieu. Peut-être que vos parents vous ont dit, « Tu vas voir mon fils, tu vas avoir tout un héritage, mais que je meurs. » Puis finalement, votre mère est décédée, votre père s'est remarié. J'espère que je ne vise pas personne ici, puis quelqu'un dit, « Hey, c'est mon histoire. » Mais il s'est remarié, il est tombé en amour ou il s'est mis à croire en quelque chose tellement fort que finalement, il a changé un petit peu son testament, puis l'argent qu'il devait vous donner, c'est parti vers quelqu'un ou quelque chose d'autre. Peut-être que vous l'avez vécu. Soyez assurés qu'avec Dieu, ça n'arrivera jamais. Jamais. Notre héritage est scellé au ciel et c'est ce qui doit nous donner la joie quand on pense de cette façon-là. Regardons les versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. L'héritage qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce passage-là nous parle des épreuves. Très clairement ici, Pierre parle de la persécution. Il se base beaucoup là-dessus. Par contre, On voit aussi qu'il parle de diverses épreuves. Et c'est important de savoir certaines choses sur ces fameuses épreuves-là qu'on peut encore appliquer aujourd'hui, en 2021, à Victoriaville. Premièrement, les épreuves ou les difficultés ne durent pas. Hein, le passage nous dit que c'est pour un temps. Et puis, peut-être que ça va être pour un temps terrestre, mais certainement que quand on va arriver avec le Seigneur, ça va être fini. Elle vise un but. Chaque fois qu'on a une épreuve, ce n'est pas de manière gratuite. Tu sais, par exemple, tu marches dans la rue, puis quelqu'un arrive, il te donne une claque d'en face, puis il s'en va. Ça, c'est gratuit, là. Tu dis, ça n'a aucun rapport. Le Seigneur, quand il permet des épreuves, ne le fait pas de manière gratuite. Il le fait pour nous travailler. Il le fait pour nous montrer quelque chose. Et quand on est dans l'œil de l'ouragan ou dans l'œil de la tornade, puis qu'on vit les épreuves, tout le monde trouve ça plate. Mais pour en avoir vécu quelques-unes, puis des bonnes, quand on est sorti, on comprend mieux pourquoi c'est arrivé. Et très souvent, ça a été pour fortifier mon caractère. Très souvent. Les épreuves font souffrir. Hein, Pierre le dit, ça se peut que vous soyez attristé avec les épreuves. Ça nous fait souffrir. Il ne faut pas, quand je vous parle de la joie en Jésus, il ne faut pas faire « Yeah, j'ai le cancer, merci Seigneur ». Tu sais, ce n'est pas comme ça qu'il veut qu'on vive la situation. C'est triste, ça nous attriste. Mais on doit lui faire confiance quand même. C'est cette partie-là qu'on ne doit jamais oublier. Les épreuves se présentent sous différentes formes. Donc, Pierre nous le dit, diverses épreuves. Je n'étais pas là au 1er siècle. On sait que la persécution était très présente, mais la persécution, ça englobait beaucoup de choses. Il y avait des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, des droits qui étaient atténués. Donc, bref, ça ne devait pas être facile. Et les épreuves ne devraient pas affaiblir la joie du chrétien. Ça, c'est le bout qu'on oublie en tant que chrétien. Les épreuves ne devraient pas affaiblir la joie du chrétien. Les épreuves servent à éprouver la valeur de notre foi et la rendre plus authentique. Ça vous est-il déjà arrivé de vivre une épreuve puis de vous dire, oh, je vais garder ça pour moi, là, je n'ai pas le goût que le monde sache là, que je vis telle affaire. Ou... Bien, parfois, c'est de la mettre en lumière que whoops, tout se met à aller mieux après. Comme si le Seigneur voulait qu'on se confie à un frère, à une sœur, qu'on prie les uns pour les autres, ce que la Bible nous enseigne d'ailleurs, hein? « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Entourons-nous les uns les autres, prenons soin les uns des autres, puis quand on vit des épreuves, soyons ensemble. » Et c'est là qu'on va voir une foi authentique. Moi, si j'arrive en avant à toutes les fois, puis je vous dis « Ah, ben, ça va bien dans ma vie. » Un jour, vous allez vous dire « C'est un vrai menteur, le gars. » C'est ça qui va arriver, là. Donc, j'aime mieux que vous sachiez. J'aime mieux être transparent avec vous. C'est sûr qu'il y a des choses à chair ici, là, on ne va pas nécessairement dire devant 100 personnes. Mais en privé ou peu importe où, j'aime mieux que vous voyez le vrai Patrick Auger. Puis vous n'aurez jamais de surprise, mais en plus, vous allez avoir le goût de prier pour moi. Puis vous allez peut-être avoir le goût de vous confier à moi. Et c'est là qu'on va développer une relation ensemble. Il y a un prédicateur des années 1900 qui vivait des terribles épreuves et qui a dit, parlant de la joie en Jésus-Christ, « Je ne m'attendais jamais à trouver une fontaine au milieu d'un désert aussi peu prometteur. » Il vivait des épreuves terribles. Il avait l'impression qu'il était dans le désert. Pas d'eau, pas de nourriture, rien. Et en Jésus-Christ, il a trouvé la fontaine qu'il avait besoin. Ce sentiment que quelqu'un prend soin de nous. Je pense à Jésus qui dit à une femme, entre autres, hein, « Si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. » Puis spirituellement, c'est totalement vrai. On regarde les versets 8 et 9 maintenant. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Donc, vous aimez Jésus-Christ sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ça, c'est intéressant parce que Pierre l'a vu, le Seigneur Jésus. Mais il dit à ceux qui parlent, vous autres, vous ne l'avez pas vu, puis vous l'aimez. Wow, ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la foi. Et puis, on a Jésus qui dit dans Jean 20, 29, « Heureux celui, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On est tous dans ce même bateau-là, nous ici, présentement. Là. On n'a pas vu physiquement le Seigneur Jésus, mais on veut croire en lui. On veut croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce qu'on apprend sur le Seigneur Jésus, c'est vrai. Il prend soin de nous, il nous amène à Dieu pour une vie éternelle et meilleure. Ça s'en vient, ça. Donc, chose intéressante ici, c'est que la joie du chrétien ne dépend pas des circonstances terrestres, mais du Christ ressuscité et glorifié à la droite de Dieu. N'attendez pas d'être joyeux parce que vous avez eu un bon travail, parce que vous avez eu enfin un conjoint ou une conjointe, parce que vous vous êtes sorti d'une maladie, parce qu'il n'y a plus de conflit. C'est toutes des belles choses, c'est toutes des belles joies, mais la joie du chrétien, c'est parce qu'on a un Seigneur qui est glorifié, qui a pris soin de nous, qui nous a pardonné, qui a payé pour nous. Ça, c'est la joie qu'on doit avoir comme chrétien. Et, phrase difficile ici, mais vous allez bien comprendre, je suis sûr, OK? Il est tout aussi impossible de priver un chrétien de sa joie que de détrôner Christ de son trône de gloire, car les deux vont de pair. Je vais vous la poser en bon québécois, là, je vais vous poser une question en lien avec cette affirmation-là. Si aujourd'hui, tu n'as plus de joie en Jésus, ça se peut, on le vit tout, hein, des moments plus difficiles, posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que quelque chose ou quelqu'un a pris son trône dans votre vie? Jésus doit être le conducteur de ta vie. Tu es assis sur le siège du passager, là. C'est le Seigneur Jésus qui conduit. Mais si tu n'as plus la joie en Jésus, ça se peut-tu que tu aies repris le volant? Ça se peut-tu que tu aies assis quelqu'un d'autre? Puis qu'on ait dit à Jésus, « Gars, sors un peu, là, je vais faire ma vie, je vais venir te rechercher plus tard. » Réfléchissons à ça. La joie du chrétien ne part pas si c'est Christ qui est assis sur le trône de ta vie. Bon, le bout un peu plus rough, les versets 10 à 12. Écoutez bien, hein, puis essayez de réfléchir. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. J'ai passé la semaine là-dedans, puis je vous le dis, je fais comme, hey, c'est pas évident à décortiquer. Je vous ai mis des points au tableau qui nous aident à comprendre ce passage-là. Parce que pour nous, on va se le dire, prophète en 2021, on a de la misère avec ça. Hein? C'est pas super clair. Donc, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Les prophètes dont on parle ici, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament, ou du moins au début de l'Église, avant que nous ayons la révélation complète de Dieu. Ce sont des gens que le Seigneur se servait pour apporter la parole de Dieu. Ce sont des proclamateurs de la parole de Dieu. Mais maintenant que nous avons la Bible, ce genre de prophète-là n'existe plus. Par contre, aujourd'hui, on dit qu'il y a encore des prophètes, mais des prophètes, dans le vrai sens du terme, c'est des proclamateurs ou des annonceurs de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un, vous croisez quelqu'un dans la rue et qui vous dit « je suis prophète », ben, laissez-le parler un peu, puis s'il vous annonce la parole de Dieu, vous allez pouvoir dire « ah, c'est… » Dans un sens, moi aussi, je suis prophète, j'annonce la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui se dit prophète puis qui vous annonce des choses, puis vous dites, ben voyons, ça n'a pas rapport avec la Bible, ça. On prenait le temps de réfléchir avant de mettre votre confiance dans ce genre de personnes-là. Et l'autre chose qu'on va voir, c'est les anges. Ça, c'est intéressant. J'ai fait une étude là-dessus dernièrement. Mais tout d'abord, il faut savoir que les prophètes écrivaient en étant sous l'ancienne alliance. Alors, je n'irai pas dans les détails, on n'a pas le temps, mais aussi c'est quand même complexe. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Jésus-Christ est celui qui fait le pont entre les deux. Et les prophètes écrivaient sous l'ancienne alliance. Et pour que vous compreniez bien, il y a un verset qui existe. C'est quoi la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Le verset, c'est Romains 6, 14, je vous le dis parce qu'il n'est pas très long. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, l'ancienne alliance, la loi, qui est très bonne, soit dit en passant, la loi, Dieu a établi la loi pour montrer des règles à des gens. Qu'est-ce qui arrive avec la loi? Personne n'est capable de la respecter. Jésus-Christ arrive, et là, on tombe sous la grâce. Parce que nous ne sommes pas capables de respecter la loi, nous avons besoin d'un sauveur, parce que sinon, on est mort. Et Jésus arrive là-dedans. Les prophètes nous écrivaient sous l'ancienne alliance. Et donc, les prophètes avaient la foi en Dieu. Ils étaient personnellement sauvés de leur péché par cette foi, mais ils ne pouvaient pas comprendre tout ce qui était impliqué par la vie et la mort de Jésus-Christ. Ils ne le connaissaient pas. Et Daniel, dans le livre de Daniel, c'est vraiment intéressant, parce qu'il dit, là j'écris, là, mais je ne comprends même pas ce que j'écris. Le Saint-Esprit est en train de me donner des choses à écrire, mais je ne les comprends pas. Intéressant. Ésaïe, Pierre, il utilise Ésaïe dans le chapitre 2. D'ailleurs, on est là, je vais vous l'amener. Chapitre 1, Pierre 2, versets 22 à 24. Ça, c'est Ésaïe qui parle des centaines d'années avant Jésus. Il écrit quelque chose qu'il ne comprend pas. Il dit, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Ésaïe écrit sur le Seigneur Jésus des centaines d'années avant. Il ne comprend pas tout ce qu'il est en train d'écrire, mais l'Esprit de Dieu lui dit d'écrire ça. Et lorsque Jésus arrive, les gens font le lien. « OK, notre Messie, c'est lui. » Et d'autres ne font pas le lien. Encore aujourd'hui, ils attendent encore un sauveur. C'est Jésus-Christ, le sauveur. Même si les prophètes, les paroles des prophètes avaient une signification pour leur propre génération, ils étaient conscients que leur portée réelle dépassait les événements de leur époque. Beaucoup de choses dans la Bible se sont accomplies lors de la génération du prophète, et beaucoup d'autres, ça a été des années après. C'est intéressant de voir ça également. Ce qu'il faut comprendre dans cette partie-là, okay, l'objectif de cette partie est de montrer aux lecteurs de Pierre que les bénédictions spirituelles que nous avons maintenant en Jésus-Christ sont plus grandes que ce qui était envisagé par les prophètes ou même les anges. Ils comprenaient une partie de la grâce. Ils savaient qu'en mettant leur foi en Dieu, ils étaient pour être sauvés. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas respecter la loi en entier et qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu pour aller au ciel. Mais ils ne comprenaient pas tout. Pierre est en train d'écrire, eux, là, ils ne comprenaient pas tout. Vous, vous avez l'occasion de tout comprendre. C'est Jésus qui a payé pour vous. Lâchez pas, prenez le temps de réfléchir à ça. Et Pierre cherche à faire croître en nous l'appréciation du salut, encore en 2021. Levez pas la main, OK? Qui d'entre vous, à tous les jours, se dit, « Wow, Seigneur, merci pour ce salut. Merci de m'avoir sauvé puis de me libérer de mes péchés. » J'ose espérer qu'on le fait tout, mais je vais vous le dire honnêtement, il y a des jours que c'est plus difficile que d'autres. Mais Pierre nous dit, « Faites-le. Rappelez-vous à quel point cette joie-là, elle est merveilleuse. » Et puis, verset 12, hein, nous parle que même les anges, comment que ça dit ça, verset 12 à la fin? Attendez un petit peu, là. OK, verset 12. À la fin, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Et au Québec, les anges, avez-vous l'impression que c'est mal compris? Peut-être même pour nous, présentement. J'ai fait une étude dernièrement sur la doctrine des anges. C'était vraiment palpitant. Évidemment, c'est fini, je ne peux pas aller trop loin. Mais quand même, quelques petites informations intéressantes sur les anges. Les anges sont nommés plus de 100 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Faites le calcul, 265 fois. Comme chrétien, je dois croire aux anges. Si je vois que c'est tellement prononcé souvent, et ça c'est sans les démons, que même Jésus en parle, puis les démons sont vus comme des anges déchus. Alors, ma croyance au niveau des anges, moi, vient de changer dans les derniers mois. J'avais de la misère à croire qu'il y avait des anges alentour de nous. Mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que oui, il y en a. Et on apprend qu'ils sont supérieurs aux humains. Ils ont un rôle marquant qu'on ne comprend pas, mais ils existent. Et Dieu s'en sert. Une chose au Québec qu'on doit faire attention, c'est qu'on a une tendance à les vénérer. On a une tendance à leur offrir une certaine gloire, à les prier même parfois. Il faut se rappeler que le seul que nous devons prier, adorer, glorifier, louer, c'est notre Père céleste. Et c'est lui qui a créé les anges. Tant mieux si on a des anges qui nous aident dans différentes sphères de notre vie. Puis on le voit même à l'arrivée de Jésus, à sa naissance. Un ange a parlé à Marie, à Joseph, à des gens alentour. Il y a des anges. Mais ils sont là pour glorifier Dieu. On doit toujours se rappeler que c'est Dieu qui est notre priorité, notre soif. Je vous dis, j'aurais pu continuer, mais on est rendu aux applications pour cette semaine. Et j'espère que ce ne sera pas juste pour cette semaine. Premièrement, rappelons-nous sans cesse l'impact glorieux de notre union avec Christ. Que les problèmes du jour ne soient pas le centre de notre vie. Le centre de notre vie, c'est le Seigneur Jésus. On a mieux à faire comme chrétien que de s'arrêter sur nos problèmes actuels. On a à proclamer la bonne nouvelle. On a à faire de toutes les nations des disciples. On a à baptiser des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rappelez-vous votre dernier baptême ici. Rappelez-vous la joie de voir des nouvelles personnes rentrer dans la famille de Christ. Ça, c'est une joie et c'est là qu'on doit focusser. Deuxièmement, gardons une attitude d'adoration envers Dieu qui nous a choisis, peu importe l'épreuve que nous vivons actuellement. Une attitude d'adoration, je vous l'ai dit, là, l'idée, ce n'est pas d'avoir l'air d'une balloune pleine d'hélium, tu sais, puis de « Oh mon Dieu, tout est beau! » Ben non, ce n'est pas nécessairement comme ça sur Terre. Mais dans le fond de nous, là, cette joie-là d'appartenir à Dieu doit être visible. Gardons les yeux fixés sur la rémunération céleste et non pas sur la paye du jeudi et non pas sur comment mes enfants vont réussir dans la vie. Plein d'éléments comme ça. Des fois, on focus tellement sur des choses qui sont terrestres. Gardons les yeux rivés sur Dieu. Et troisièmement, Dieu est pleinement glorifié en moi quand je suis pleinement satisfait en lui. Une phrase de lourde sens quand même. Hein? Dieu est pleinement glorifié en moi quand je suis pleinement satisfait en lui. Et donc, ma question pour vous, c'est quoi qui te donne de la joie? Je reviens un peu au début. Le hamster, là, ça apporte de la joie, je vous le dis. Un bon travail, ça apporte de la joie. Une belle famille, ça apporte de la joie. Mais toutes ces choses vont s'arrêter un jour. C'est éphémère. Ça n'empêche pas qu'on doit être joyeux d'avoir ces choses et de remercier le Seigneur. Mais rappelons-nous que c'est éphémère. Ça va disparaître, toutes ces choses, un jour. Je ne souhaite pas que l'hamster meure, mais on m'a dit que ça dure entre 2 et 3 ans. En tout cas, il doit être à la fin. Hein? Il a dit, ne part pas tout de suite en pleurs, là, il doit être à la fin, mais il nous reste encore peut-être une bonne année, on espère. Mais, est où votre vraie joie? La vraie joie, c'est vraiment de faire confiance au Seigneur dans notre vie. C'est de dire, non, mais j'étais tellement dans une traque qui ne fallait pas, faut que je me sorte de là, puis heureusement, le Seigneur, par son esprit, m'a amené dans le bon chemin. C'est de croire, puis je prends souvent cette expression-là, mais je l'aime tellement visuellement, elle m'attire. C'est de croire que j'étais tellement pécheur que je méritais d'aller en prison pour la vie. Puis il y a Jésus qui est arrivé, qui a ouvert la porte, puis qui a dit, « Pat, sors de là, j'ai payé pour toi. Je vais prendre ta place. » C'est ça que Jésus a fait pour moi à la croix. Il a pris mes fardeaux, mes péchés, même ceux que je commets encore aujourd'hui, demain, hier, et il m'a pardonné. Et grâce à ça, j'ai la joie qu'un jour, je vais être avec Dieu pour toujours. Si vous pouvez juste retenir ça aujourd'hui, qu'on a de quoi de meilleur qui nous attend au ciel. Je vois déjà des sourires. Ça, je trouve ça le fun. Peut-être parce que ça finit. Ça se peut que ça soit le sourire pour ça. Mais je suis convaincu, plusieurs d'entre vous, dans leur cœur actuellement, vous vous dites, ah, c'est vrai qu'on a une espérance grandiose. Amen. On va prier. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Merci pour cette grâce imméritée. Seigneur, je le répète, puis je suis content d'avoir le micro pour le faire, mais j'ai tellement rien fait pour être là où je suis aujourd'hui. J'ai rien fait pour être un de tes enfants. Et t'es venu me choisir. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce don gratuit de ton amour. Je veux te remercier pour Jésus qui a payé à la croix, qui est mort pour moi, qui est ressuscité le troisième jour. Et pour tous tes enfants, il vit en nous par son esprit. Ma vie doit complètement changer, radicalement changer, Seigneur. Le péché ne doit plus avoir d'autorité sur ma vie. Très certainement qu'il y a encore une influence, parce qu'on est encore sur terre. Mais il ne doit pas contrôler ma vie. Seigneur, c'est toi. Seigneur Jésus, c'est toi qui as le trône de ma vie, puis je veux te remercier pour ça. Et je te prie encore une fois pour l'Église ici à Victoriaville, je te prie pour tous ces gens qui ont besoin d'aller à toi. Attire-les à toi, Seigneur. Mets-leur la semence de ton Évangile dans le cœur pour qu'ils puissent aller à toi. Qu'ils ouvrent ta parole, la Bible, qu'ils prennent le temps de lire un verset à la fois, un chapitre à la fois. Que les anciens ici, les pasteurs, les responsables, puissent guider ces gens-là. Rends ton peuple nombreux, Seigneur. On veut voir des gens qui se font baptiser, des gens qui prennent position pour toi dans ce monde hostile, certainement. Et merci pour la lettre de Pierre. Vivait des persécutions et trouvait le moyen d'avoir la joie en toi. À combien plus forte raison on doit être pareil, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Bénis l'Église ici, Seigneur Dieu. Amen.